récré, chantez pas la révolution, mais vive ma liberté. Quand la maîtresse en rognon essaie de nous faire monter, à pas les tours, on sait le son. J'ai récité en nono, en nono, en nono, en nono, ma torpée. Qu'un beau jour frappe à ma porte un militaire intentionné qui me dit viens je t'emmène en Dordogne, on va pas toger dans le guet. Moi je pense surtout que ces uniformes n'ont pas besoin de vous pour être souillés. Laisse-moi encore rêver à l'homme. Je l'ai reconduit en nono, en nono, en nono, en nono, ma topée. Comprendre qu'au parti fallait adhérer, que la masse était beaucoup trop tendre, que ma carte allait tout changer. Je me suis dit tiens, sympa la bande, mais leurs couloirs comme leurs idées sont trop étroits et ma demande. Je l'ai signé en nono, en nono, en nono, en nono, en nono, en nono, ma tempête. Il me fallait trouver un métier, devenir un citoyen en place, statut social pour exister. J'ai beau frapper à bien des portes, elles me sont toutes revenues au nez. À la vue de mon curriculum, j'avais écrit en nono, en nono, en nono, en nono, ma topée. Un peu coconne, aux misogynes, à mon banquier, aux emmerdeurs de premier ordre, à tous j'en ai distribué. À l'ironie des mauvais jours, quand j'ai pas de bol dès le déjeuner, quand je tombe des vertiges de l'amour. Même si on m'a trompé, fidèle aux onomatopées. Paraîtrait que dans la musique, j'ai pas ma place pour fredonner. J'ai pas le bagage assez technique, qui manque le style pour épater. Alors courtois, je me résigne, l'élite, il faut les écouter. Et pour une fois, je me décide à chanter plus fort mes onomatopées. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p